Les Odyssées de France Inter avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. Le vendredi 4 septembre 1909, William Taft, le 27e président des États-Unis, somnole dans son bureau ovale. Le bonhomme sort de table et il a un peu abusé. Soudain, une sonnette le réveille. On lui apporte un télégramme. J'ai l'honneur de vous faire savoir que je reviens après avoir atteint le pôle Nord. Signé Frédéric Cook. Le pôle Nord ! S'exclame le président. Ma foi, c'est toujours ça de prix pour le pays. Puis, il se rendort. Quatre jours plus tard, dans le même bureau ovale, le même président reçoit un autre message de la part, cette fois, d'un certain Robert Peary. Et l'honneur de mettre le pôle Nord à votre disposition. Comment ? Encore ? Le pôle Nord géographique, ce point mythique et invisible qu'on a cherché pendant des siècles, qui a coûté la vie à tant d'explorateurs, viendrait d'être découvert. Deux fois ? Oh ! Ça sent l'embrouille. Frédéric Cook et Robert Peary se livrent une bataille sans merci. Qui est l'escroc ? Qui ment au public ? La machine s'emballe. L'affaire électrise le pays et remonte jusqu'au sommet de l'État. Alors, qui de Cook ou de Peary a réellement atteint le pôle Nord ? Et d'ailleurs, est-ce seulement l'un des deux ? Zip ta doudoune et tiens-toi prêt. Risque de glace et de combat. Notre enquête s'annonce aussi folle et rebondissante qu'une balle de ping-pong. Pour bien saisir l'étendue de notre affaire, il nous faut remonter quelques années auparavant, en suivant... Plouf, plouf, ce sera toi qui commenceras l'Odyssée. Ah, et ben voilà, en suivant les pas de Frédéric Cook. Nous sommes en 1891, dans la ville de New York. Mr. Cook, jeune médecin de 25 ans, boit du noir. Le pauvre vient de perdre sa femme et sa fille. D'un œil distrait, il feuillette le journal, histoire de se changer les idées. Bingo ! Là, tout en bas de la page 4, à côté des réclames pour le saucisson belge, son regard s'arrête sur une annonce fort intéressante. Robert Peary, explorateur, cherche des volontaires, dont un médecin, pour expédition au Groenland. Son corps est immédiatement parcouru de frissons. À moi le Grand Nord ! Quelques mois plus tard, voici notre Cook au Groenland, sur le navire de Robert Peary, chaussé de bottes fourrées extra moumoutes, petit homme, contemplant l'immensité blanche. Attention, ça glisse ! Lui lance l'explorateur Robert Peary chaque fois qu'il le croise. Cook ne dit rien, mais il commence à trouver ça lourd. Une fois, je suis tombé une fois, on va pas en tricoter des accordéons, hein. Oui, c'est certain. Peary agace Cook, mais il le trouve aussi impressionnant. À 36 ans, cela fait 6 ans que le bonhomme explore le royaume de glace de l'Arctique. Ah, la vieille carne à la peau dure. Écrit le jeune médecin dans son journal. Il y a une semaine, il s'est cassé la jambe et le lendemain, je l'ai vu claudiquer en béquille sur la banquise. Direction l'inconnu. Le soir, lorsque Peary se sent d'humeur bavarde, il invite Cook dans sa cabine. Et après quelques verres de whisky, les langues se délient. Par 90 degrés de latitude nord, sur l'axe de rotation de la Terre, le pôle Nord, c'est ça mon rêve. On sait qu'il se trouve au milieu de l'océan Arctique, mais personne n'a encore réussi à l'atteindre. Je serai le premier, Cook, vous m'entendez ? Les yeux du jeune médecin brillent. Lui aussi a des rêves et de l'ambition. Après ça, bon bah, c'est dommage, mais les deux hommes se brouillent. Et puis, le temps file. Peary poursuit son exploration de l'Arctique. Quant à Cook, il rejoint diverses expéditions qui le conduisent jusqu'à l'extrémité sud de la Terre, en Antarctique. Notre homme a désormais de l'expérience. Il s'y connaît en survie polaire. Alors, pourquoi ne pas tenter l'impossible ? Nous sommes le 19 février 1908, Cook quitte la base Tanuritouk au nord-ouest du Groenland. Son but, atteindre le pôle Nord à 1000 km. Financé par un milliardaire américain, l'explorateur a réuni une équipe de 12 personnes, dont 11 Inuits. Cook s'élance à ski, suivi par 11 traîneaux tirés par 103 chiens. Je n'ai plus qu'une seule chose à dire. Wouf, wouf ! L'équipe va bon train. Ils traversent le nord du Groenland et dépassent le 80e parallèle jusqu'à atteindre l'océan glacial arctique le 15 mars 1908. Un autre voyage commence, cette fois sur la banquise. Là, Cook décide de poursuivre avec Apilak et Utukusuk deux guides inuits. Sur ses skis, il sue sang et eau. Il veut être certain d'arriver avant eux. Oh purée, je les vois! Dépêche, Cook, dépêche! Un mois plus tard, le 21 avril 1908, il affirme atteindre le pôle Nord. Il reste trois jours, puis, après un dernier point qui les situe à 89,57 degrés de latitude nord, ils prennent la route du retour. Le brouillard et les tempêtes se succèdent. Oh pétard, on n'est pas gâtés! Affamés, épuisés, ils finissent par retrouver leur camp d'Anoritouk un an plus tard. Un an ? Mais à l'aller, on a mis un mois. Oh purée, j'ai trop faim ! Cook se rue vers la cabane, dans laquelle ils ont stocké un paquet de vivres avant leur départ. Hélas, elle est... vide ! Le voleur n'est autre que Robert Peary. Il a pillé leurs réserves quelques mois plus tôt, lors d'une escale. L'expédition Peary est passée par là ! Il n'y a plus une seconde à perdre ! Cook saute dans un traîneau à chien. Je dois informer les autorités. Le monde doit savoir que je suis le premier. Oui, enfin. Minute, papillon. En avril 1909, à près de 1000 km de là, Peary chemine lui aussi à travers le désert polaire. C'est sa 8e expédition et sa 4e tentative pour atteindre le pôle Nord. Pour lui, il a tout enduré. La faim, le désespoir, la douleur, et bien sûr, le froid. Henson, regardez mes pieds! Demande-t-il à son assistant à asseoir dans un igloo. Allez, oh, ouais, regardez mes pieds! Eh, vous trouvez pas qu'ils sont petits? Non, je sais pas. Répond Henson, embarrassé. Vas-y, ils sont tout petits! Eh, je vais vous dire pourquoi. Il y a 10 ans, mes orteils ont gelé. Alors on m'en a coupé 8. Et il m'en reste 2. Mais je vous dirai pour lesquels! Cette histoire, Henson la connaît par cœur. D'ailleurs, il était là, mais il ne dit rien. C'est sans doute pour évacuer le traumatisme. Note-t-il dans son journal. Mais tout de même, il est lourd. Certaines choses, semble-t-il, ne changent pas. McCormick. Matthew Henson est le premier explorateur noir du pôle Nord. Il fait équipe avec Peary depuis des années. Excellent conducteur de traîneau, il sait également parler la langue des Inuits. De l'expérience, il en a gogo. Il sait que cette expédition est particulière. Peary n'a pas droit à l'erreur. C'est sa dernière chance. En plus, il a reçu 5000 dollars du journal Le New York Times pour raconter son exploit. Mais nous sommes tout près du but. Le 20 mars dernier, nous avons atteint le 85e degré de latitude nord. Plus que 5. À ce stade, la moitié des traîneaux a été renvoyée. Des 24 membres de l'équipe, il n'en reste plus que 12. Il fait moins 30. Les chiens sont à bout. Mais les ordres de l'explorateur sont clairs. On ne s'arrête pas! Ce dernier, pour l'instant, reste en arrière. Il préserve son énergie pour donner l'assaut final et être le premier à l'arrivée. 87, puis 88 degrés de latitude nord. Personne ne s'est encore aventuré jusque-là. Partout, nous sommes cernés par un chaos de glace. 260 petits kilomètres nous séparent désormais du pôle Nord. C'est la dernière étape. Ici, le groupe se sépare encore. Seuls Peary, Henson et 4 jeunes Inuits, Ukea, Uta, Siglu et Ingingwa, poursuivent le chemin. Le 6 avril 1909, vers 10h du matin, Peary s'arrête. Vite, on calcule. 89,57 degrés. Le lendemain, parvenu selon ses estimations à l'endroit précis du pôle, Peary y plante le drapeau américain. Aussitôt, Henson s'empresse de le rejoindre pour lui serrer la pince. Félicitations ! Après 18 ans d'exploration, nous avons réussi ! Mais Peary se détourne. L'explorateur, après ça, ne lui adressera plus vraiment la parole. Pourquoi ce brusque changement d'attitude? Comment savoir? Piri, en tout cas, est sur les nerfs. Cook, qu'il croyait disparu, a annoncé sa victoire avant lui. Son rival est célébré partout comme un héros. Piri ne compte pas en rester là. Immédiatement, il envoie un message au New York Times. Cook n'est jamais allé au pôle. Il a escroqué le public. Des témoins racontent que son équipe n'a jamais quitté la Terre de vue. Or, le pôle Nord se situe à 700 km de la Terre la plus proche. Cook ne se laisse pas démonter. Je ne doute pas que Piri ait atteint le pôle Nord. Il l'a simplement atteint un an après moi. Pour faire grimper les ventes, les journaux font monter la pression. Cook against Perry. À coup de gros titres tapageurs. Who is the winner? Et ça marche! Qui a atteint le sommet du monde? La question passionne et fait délirer toute l'Amérique. Piri a de solides soutiens et Cook, quelques casseroles. Il y a quelques années, il a affirmé avoir atteint le sommet du mont McKinley en Alaska, ce qui s'est avéré faux par la suite. Ouh, s'il a menti une fois, comment le croire? On lui demande de fournir des preuves. Et que voulez-vous? Un peu de banquise fondue? Rétorque Cook, désespéré. J'aimerais pouvoir vous donner mes journaux. Ils contiennent tous mes calculs, mais Piri s'est débrouillé pour les faire disparaître. Mamma mia! Quelle annonce! Quoi qu'il en soit, Cook ne peut toujours rien prouver. L'explorateur est donc disqualifié. Reste à savoir si Piri a bien atteint le pôle Nord. Le Congrès américain ouvre une enquête. Des spécialistes interrogent Piri, puis ils examinent son journal. Sapristi, mais il est propre! Et c'est extrêmement louche. Le document n'est-il pas censé avoir été trimballé un peu partout sur la banquise? Sans grande conviction, Piri est déclaré vainqueur. Alors, c'est donc lui, le premier homme qui a atteint le pôle Nord? C'est ce qu'il a cru en tout cas, jusqu'à sa mort. L'affaire, en réalité, ne s'est pas arrêtée là. Les scientifiques et les explorateurs ont continué d'examiner les preuves avancées par Piri. Et ils ont trouvé beaucoup, beaucoup d'incohérences. Selon toute vraisemblance, lui non plus n'aurait pas atteint le pôle Nord. Dans l'affaire Cook contre Piri, aucun des deux n'est vainqueur. Leurs noms sont pourtant restés dans l'histoire, contrairement à l'explorateur Matthew Hansen qui, en raison de sa couleur de peau, a longtemps été mis de côté. Il était pourtant bel et bien là, et il aurait même fait un peu plus, si l'on en croit une récente hypothèse. Dans un rapport, Hansen raconte que le jour où Piri affirme avoir découvert le pôle Nord, il a envoyé en éclaireur avec Ukea, Uta, Siglu et Ingingwa, les quatre Inuits qui les accompagnaient. Ces derniers seraient donc arrivés avant Piri. Pourtant, lui seul connaîtra la gloire. Au moment de terminer cette aventure, je m'interroge. On dit toujours des explorateurs occidentaux qu'ils découvrent. Mais la plupart du temps, les terres sur lesquelles ils s'aventurent ne sont pas inconnues. Des peuples y vivent. L'Arctique, par exemple, est habité depuis des millénaires par les Inuits. Ils ont guidé et transmis leurs connaissances. Sans eux, pas d'expédition polaire. Le pôle Nord, c'est certain, leur appartient. Derrière cet épisode, il y a Juliette Proto, François Audouin, Marion Lelay, Guillaume Meurice, Basile Bocquer, Frédéric Sigrist et moi, Laure Grand-Besançon. Les premiers occidentaux qui ont réussi à atteindre le pôle Nord sont les explorateurs Amundsen et Nobile. Ils l'ont atteint en 1926 en ballon dirigeable. Tut tut. Eh, hey, dis donc, il y a du monde là-haut. Les Odyssées est un podcast original de France Inter.